money. C'est la thune que réclamait Barrett Strong en 1959. Et un demi-siècle plus tard, l'argent a malheureusement triomphé de tout. Et puis je vais te dire, plus t'as de pognon, moins t'as de principe. L'oseille, c'est la gangrène de l'âme. C'est joli ce que tu viens de dire. Tu m'as déjà vu à court de monde, hein? Alors, sans plus attendre, fuyons cette gangrène de l'âme, d'autant qu'à 11h11, il est temps bien sûr de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 205e épisode du Mangin Palace. Ainsi, ouvrons immédiatement notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujelet, avec qui nous allons voyager ce matin de l'Outre-Manche à l'Outre-Rhin, mais après une liaison téléphonique transatlantique. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Il a eu le président Obama au téléphone. Allô, oui. Bien, ne quittez pas. Qui par deux fois l'a félicité. J'ai jamais vu un tel ramassis de plots. Qu'est-ce qui arrange rien, con comme des balais. De jouer un rôle moteur dans cette crise. L'entourage de Nicolas Sarkozy Zoltan ne manque pas de souligner cette anecdote. Je jurerais pas qu'il soit pas en train de se foutre de nous sur ce coup-là. Vous croyez ? Ouais. Qui met en scène un chef de l'État à la manœuvre. Une attaque surprise par la droite. En responsabilité. Non, bah alors ça va. Alors, démonstration, attendez-moi là. Une forte dose de volontarisme et une diatribe bien ciblée qui parle à l'opinion. Et voilà ! Le chef de l'État a pris soin de taire ses désaccords profonds avec Angela Merkel. Ne pas déranger. S'il y a un affrontement ouvert franco-allemand, il n'y a plus d'Europe, prévient l'un de ses proches. C'est peut-être pour demain le grand feu d'artifice, le bouquet final. Angela Merkel, quant à elle, a reconnu aujourd'hui une amère défaite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aux élections de Rhénanie du Nord. Ah oui. Hier, la chancelière allemande a exclu des baisses d'impôts dans les années à venir. Je connais ça, allez. Donnant ainsi un coup d'arrêt à un projet phare de son gouvernement. C'est un peu sec, mais je dois reconnaître que vous avez raison. Oh merde, un British. Quel sale temps. Après 5 jours de confusion, de tractation, la Grande-Bretagne a donc son nouveau Premier ministre. Il s'appelle David Cameron. Savez-vous quel est cet homme ? Le chef de file des Tories, les conservateurs. Oh oh. Succède au travailliste Gordon Brown. Non, tout ça n'est pas très grave. Cette fois-ci, c'est sérieux. Les conservateurs se sont donc entendus avec les Lib Dems de Nick Clegg, le troisième homme. Vraiment ? Nommez-lui vice-premier ministre. J'y comprends rien. 5 membres de son parti devraient entrer au gouvernement. Une coalition inédite depuis l'après-guerre. Oh. Merde. Et la reine hier soir a dit oui. Le destin de l'Angleterre est maintenant entre vos mains. Quoi qu'il en soit, les Anglais roulent désormais à droite. Plaisante et bien innocente, vous savez. Mais très spirituelle. Merci. Mais pas complètement. Une situation qui surprend en Grande-Bretagne. Too much, tu vois. Évidemment, il y a plusieurs types de réactions. Ici, vous avez des travaillistes qui sont très déçus parce qu'ils ont quitté le pouvoir. En pareille circonstance, une seule parade. Aller prendre la muflée de ma vie. Et vous avez des conservateurs qui, eux, le sont à moitié. C'est amusant. Wait and see, donc, une expression qui prend tout son sens aujourd'hui. Ça change ta perspective des choses, tu trouves pas que... Ouais, c'est trop. Il y a trop de perspectives, je trouve, maintenant. Alors Bernard Accoyer... Oh non, pitié. Qu'est-ce que vous pensez du Nicolas Sarkozy d'après les régionales ? Il a changé de style. Ouais, en effet, c'est bizarre. Il s'est représidentialisé, c'est ce qu'on lit, ça et là. Je constate que... Messieurs, mesdames, j'ai quelque chose à vous communiquer. Ce qu'il a fait ces derniers jours a contribué et a été décisif pour sauver d'abord la Grèce, ensuite l'euro et l'Europe. Henri-Emmanuel Lippe. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je sois agacé le moins du monde. C'est tout le contraire, voyons. Par le fait que l'UMP pense que M. Sarkozy est le sauveur du monde et je leur suggérerais même d'ajouter « et des environs ». Parce qu'à mon avis, le monde, c'est trop petit pour lui. Pouh. Ainsi, après la colère des dieux de l'Olympe, contre les hommes affamés de profit, le ciel européen s'est lézardé jusqu'à mettre en péril l'indispensable cohésion sociale de notre vieux continent. Assiégée par des prétendants spéculateurs, l'Europe attendait en vain le retour d'Ulysse, le rusé de la culture occidentale et l'un des héros de nos valeurs humanistes. Cependant, Ulysse était prisonnier, englué dans l'oubli des hommes. Il avait disparu des mémoires. Et pourtant, seul Ulysse, désormais, peut venir à bout de ces scrapules qui spéculent sans scrupules, avec trop de mots qui riment en hulle. Seul un vieil ermite helléniste réfugié sur une fabuleuse île grecque, avait conscience que le retour d'Ulysse devenait urgent pour le destin de la vieille Europe. Ah, sans doute tu as grand besoin d'Ulysse qui mettrait la main sur ses prétendants injurieux. Car s'il survenait et se tenait debout sur le seuil de la porte, avec le casque et le bouclier, et deux piques tels que je le vis pour la première fois, buvant et se réjouissant dans notre demeure, à son retour défiré d'auprès Ilios, car Ulysse était allé chercher là, sur une nef rapide, un poison mortel pour y tremper ses flèches armées d'une pointe d'airain. Si donc Ulysse, tel que je le vis, survenait au milieu des prétendants, leur destinée serait brève et leurs noces seraient amères. Mais il appartient au dieu de décider s'il reviendra ou non les punir dans sa demeure. C'est alors qu'un matin, à l'aube, conscient du réel danger qu'encourait notre vieux continent, les dieux de l'Olympe se sont enfin réunis afin d'évoquer le sort d'Ulysse. Fallait-il ou non l'autoriser à sortir de l'oubli et à le lancer dans une nouvelle odyssée, bien plus dangereuse que sa première épopée ? Aurore sortait du lit de l'illustre Titan afin de porter la lumière aux immortels et aux mortels. Et les dieux étaient assis en conseil, et au milieu d'eux était Zeus, qui tonne dans les hauteurs et dont la puissance est la plus grande. Il parla ainsi, et il dit à Hermès, son cher fils, « Hermès, qui est le messager des dieux, va dire à la nymphe aux beaux cheveux que nous avons résolu le retour d'Ulysse, qu'elle le laisse partir. Ainsi, sa destinée est de revoir ses amis et de rentrer dans sa haute demeure et dans la terre de la patrie. » Oui. Zeus avait enfin décidé, face à la tyrannie des financiers, de libérer Ulysse de l'oubli des hommes modernes. C'est ainsi qu'après avoir résisté pour la seconde fois au fallacieux chant des sirènes, Ulysse traversa les cieux et le temps pour rejoindre sa terre patrie, où les peuples d'Europe furent immédiatement soulagés et ravis. Le retour d'Ulysse en Europe, flanqué du petit robot Nono, fut une immense source d'espoir pour les couches populaires, les fonctionnaires et les classes moyennes, tous spoliés et effrayés par les crapules des places boursières. Et à peine avait-il posé le pied, pour la première fois depuis des siècles, sur le sol de notre vieux continent, que le sublime Ulysse fit part de sa joie d'être rentré chez lui, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. J'ai fait le tour de la terre, j'ai trouvé des pays perdus, des pays rouges de colère, des pays verts d'eau répandue, des pays bleus d'arcs électriques, des pays noirs ensorcelés, des pays jaunes faméliques, des pays blancs déboussolés. Et pendant ce temps, ma belle Europe, tu m'attendais. Tu m'attendais, ma Pénélope, et tu dénouais le même ouvrage. Sur le métier du temps. Certes, sauf que Georges Papandréou, premier ministre grec, fit aussitôt savoir à Ulysse que les choses avaient bien changé depuis son départ. Il lui raconta que les prétendants spéculateurs essayent de violer le pacte social et démocratique qui unit les citoyens de l'Europe. Et c'est grave, très grave. Depuis ce jour, leur malédiction s'est abattue sur notre terre. Mais il y a sûrement un moyen de les combattre. Lequel ? Peut-on combattre des ombres ? Peut-on combattre le vent, combattre le tonnerre et les éclairs? Tu ne prétends pas dompter les tempêtes qui dévastent si souvent la terre. Tu parles de tempêtes, tu parles de foudre et d'éclairs. Ils nous sont envoyés par les dieux. Mais les forces du mal sont filles de la terre. Aussi j'invoquerai les dieux afin qu'ils arment mon bras pour les vaincre. Ainsi, soutenu et armé par les dieux de l'Olympe, le sublime Ulysse décida tout d'abord, pour estimer l'ampleur de ce péril financier, d'aller rendre visite à son banquier d'Athènes qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. Quel plaisir de vous revoir. Vous tombez bien, j'étais justement en train de travailler sur votre portefeuille titre. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous. Non, vraiment ? Asseyez-vous. Vous venez de perdre 80 000 euros. Hein ? Alors, ne me dites pas que vous n'êtes pas content. Energy Computer, c'est une société d'informatique australienne. Un véritable gouffre. Regardez, pas la blanche, hein ? La rouge, celle qui s'effondre. Ça s'appelle une chute libre, en langage boursier. Je vois. Et alors ? Et alors ? On a fait une offre d'achat massif. Vous êtes sûr ? Mais absolument ! Et en 10 jours, l'action continue à s'effondrer, vous êtes ruiné. Ulysse, ruiné lui aussi, commençait à saisir l'escroquerie ambiante et le désastre de la situation en Europe. Les riches s'empiffraient allègrement sur le dos des pauvres. Et pourtant, les peuples européens ont bien expliqué à Ulysse que les États leur avaient promis qu'ils allaient réguler le capitalisme outrancier. Mais rien n'y fit. Les requins de la finance poursuivaient leur démantèlement du sacro-saint pacte social et démocratique dans le seul but de s'engraisser toujours plus. Des ennemis dignes de la gloutonnerie et de la cruauté d'un cyclope. C'est alors que 2 autres prétendants spéculateurs décidèrent cette fois-ci de lancer une attaque sur l'État espagnol. Les 2 guignols se sont ainsi pointés dans le bureau du Premier ministre Zapatero, mais ni l'un ni l'autre, ignares, n'ont su reconnaître le visage d'Ulysse, lui aussi présent mais très discret, dans ce palais madrilène. Cependant, le rusé roi d'Ithaque fut halluciné par la filouterie de ces 2 bandits. Le pognon, ça va, ça vient, il faut jamais paniquer. Qu'est-ce qui précise des proverbes, celui-là ? C'est pour ça que vous l'avez fait venir ? Non, non, c'est juste que j'ai pensé, mais éventuellement, hein, qui pouvait peut-être nous donner un coup de main. Bah vous la crachez, votre pastille, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Attention, c'est spécial, hein. Prenez le pas de travers. Bon, allez-y, montrez-lui. Ouais, c'est du pognon ? Ouais, c'est du pognon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, j'en pense que je suis content pour vous, mais à partir du moment où c'est pas le mien, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? C'est pas des vrais. C'est moi qui les fabrique ! Comment ? On peut savoir depuis quand vous vous fabriquez votre propre pognon ? Attendez, moi j'essaye de vous rendre service. Organiser l'inflation, vous appelez ça nous rendre service ? Mais qu'on remplisse les caisses avec du vrai ou du faux pognon, honnêtement, qu'est-ce que ça change ? Écoutez, je vous fais un bon prix. Ah, parce que vous les vendez en plus ! Bah, c'est honteux ! C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette Non, mais parce que ça se passe chez moi. J'aimerais bien voir la tête que vous feriez s'ils fabriquaient des pièces de votre royaume à vous. Ouais, j'en ai aussi. Plus vrai que les vrais, tout le monde y voit que du feu. Oui. Le seul moyen peut-être de s'en sortir, déclara Ulysse, c'est que les requins de la finance s'entretuent. Néanmoins, le roi d'Ithaque, fort de son antique expérience, avait bien conscience de la faible probabilité d'une telle issue. C'est pourquoi il décida d'agir à la hauteur de l'urgence, car à ses yeux, lorsque la patrie est menacée, et aujourd'hui c'est l'Europe entière qui est en danger, cette patrie, il faut tout faire pour la sauver. C'est ainsi qu'Ulysse redevint pour plusieurs millénaires encore le héros de toute l'Europe lorsqu'il décida, pour une nouvelle odyssée, de s'affronter à ces crapules qui spéculent sans scrupules. Et les regardant d'un œil sombre, le subtil Ulysse leur dit « Chien, vous ne pensiez pas que je reviendrais jamais du pays des Troyens dans ma demeure, et vous dévoriez ma maison, et vous couchiez de force avec mes servantes, et moi, vivant, vous recherchiez ma femme ?» ne redoutant ni les dieux qui habitent le large Uranos, ni le blâme des hommes qui viendront. Maintenant, les cairns de la mort vont vous saisir tous. » Il parla ainsi, et la terreur les prit. Et chacun regardait de tous côtés, cherchant par où il fuirait la noire destinée. came close. Has anyone come to live underwater for more than a month? Said it was not inside my heart. It was. It said it should tear a kid apart. Anyone's Ghost, ce sont les magnifiques requins du groupe The National qui nous offrent aujourd'hui une histoire de fantômes, à l'instar de nos héros nationaux du passé. Ne faites pas de bruit, afin que les fantômes se matérialisent. Il y a des fantômes dans ce château? Il paraît. Si nous partions, monsieur Bouffig. Vous avez peur, César? Mais non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Seulement, si vous aviez un pantalon de rechange, vous me ferez bien plaisir. Alors maintenant, à 11h28, ouvrons notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain qui nous conduit cette semaine en Californie, en 1960 exactement. Car le 16 mai de cette année-là, le physicien américain Theodore Mayman utilise un cristal de rubis pour créer le premier flash de lumière laser rouge. Eh oui, c'est aujourd'hui le 50e anniversaire du laser et à cette occasion, le professeur Béville a rendu une petite visite surprise aux voix des radieux fantômes radiophoniques de l'INA. Alors écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard Lhermitte, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard Lhermitte. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous avons reçu la visite surprise du professeur Béville, qui avait quelque chose à nous confier. Il a sorti de son sac un objet étrange et luminescent et nous a fait promettre de le garder pour quelque temps. Je vous ai souvent parlé du laser, qui en bon français signifie générateur de lumière cohérente. Mais le très mince rayon lumineux qui en résulte est d'un éclat insoutenable et d'une portée immense, puisqu'il a été possible de percevoir au télescope, sur la surface de la Lune, l'arrivée d'un rayon laser émis aux États-Unis. Et n'oublions pas que les Américains préparent pour 67-68 un voyage dans la Lune. C'est le projet baptisé Projet Apollo. Reportons-nous un instant à 10 ans en arrière. Si je vous avais parlé de tout ceci en 1952, vous auriez certainement pensé qu'il s'agissait de suppositions plus qu'aléatoires. Et pourtant... Dès que le professeur a eu le dos tourné, Bernard Sagener s'est mis à bricoler le laser qu'il nous avait confié. Et voilà ce qu'il en a fait. Alors, la syringe... est un instrument qui n'est pas du futur, puisqu'il existe déjà, mais c'est un instrument qui ouvre des possibilités tout à fait nouvelles dans le domaine de la musique, dans le sens où c'est un instrument à base de laser, qui ressemble un peu à une harpe. Alors, cette sorte de harpe laser possède 10 rayons, les cordes sont remplacées par des rayons laser, c'est-à-dire que les cordes sont impalpables, on les voit, mais en fait, on touche de la lumière, on caresse de la lumière. Mais la nuit suivante, l'infâme docteur Crazy a dérobé la harpe laser. Le laser, on savait que James Bond, ou plus exactement Goldfinger, en faisait un usage, un mauvais usage. Et voilà maintenant qu'on utilise le laser pour le striptease. Alors, expliquez-nous comment c'est possible. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas encore, on va l'utiliser pour faire évoluer des danseuses, donc des filles, dans une cage de rayons laser. le rayon laser, qui est un rayon très particulier, en ce sens qu'il paraît d'une rectitude et d'une vérité, violence. D'une violence, oui, mais il n'est pas... Remarquez, celui-ci n'est pas dangereux, celui qu'on utilise. Ah bon ? Il n'est pas capable de couper un mur de briques en deux, parce qu'à Marcoussi, ils ont le plus gros laser du monde, qui est capable, lui, d'ouvrir un mur de briques épais de 50 cm. Pour l'empêcher d'accomplir son terrible projet, nous n'avions qu'une solution, retourner le laser contre lui. À la rigueur, le laser, et à condition de disposer d'une grande puissance d'alimentation, pourrait servir de mitraillette. Seulement, le fameux rayon de la mort, c'est un mythe. Il n'est pas du tout possible d'utiliser le laser comme rayon de la mort, pour faire brûler des villes à distance, pour faire brûler des gens à distance. Cela fait partie des légendes. Peut-être en y mettant le prix, c'est-à-dire en ayant une centrale électrique mobile alimentant un laser, on parviendrait à brûler légèrement les yeux ou les fesses d'un adversaire qui se trouverait à 300 mètres, mais c'est le bout du monde. Et juste avant d'attaquer le docteur Crazy, on lui a quand même envoyé un DVD pour le prévenir du danger qui le menaçait. Et si cela se passait en ce moment, sur notre planète ? De la science-fiction, oui. Mais un jour, peut-être. Une prodigieuse histoire, un monde fascinant. Rayon laser. Un film qui vous transpercera d'effroi. Merci beaucoup, Flora Bernard, de nous avoir éclairé avec vos assertions sur le laser, car vous en connaissez un bon rayon. Mais filons maintenant pour retrouver nos actualités locales et foutraques. Voici notre décrochage régional, direction Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. À 11h33, il est temps pour nous de retrouver le sympathique village de Grosboule-les-Bains où nous attendent Monique et Jean-Claude qui, il faut te l'avouer, vivent en ce moment un petit chaos familial. L'arrivée du printemps en est-il à l'origine ou bien est-ce l'angoisse de l'approche des examens de fin d'année ? Difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, les rejetons de la famille ont mis le tohu-bohu dans la smala cette semaine. En effet, jusqu'à présent, Rémi et Elsa ont traversé l'adolescence K1K, mais sans crise majeure. Tiens, par exemple, l'éthologie familiale avait montré une harmonie dans les comportements des membres de la famille jusqu'à jeudi dernier, quand Monique est entrée dans la salle de bain. Tu veux mettre cette musique grave, là ? Putain, frappe, merde ! Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu sais quoi ? Tu te masturbais ? Tu pensais à quoi ? À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là. Oh là là, je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein. Mais tu me fais chier. Tu me fais chier. J'en ai marre, là, ok. Putain, tu m'emmerdes, ok. Putain, moi, si ça continue, j'appelle enfance maltraitée. Eh ben, appelle-les. Appelle. Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content. Tu m'emmerdes. Oui, je serai bien content, parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette. Tu m'emmerdes. Putain, on peut même plus se branler tranquille dans cette maison. Monique se dit qu'il s'agit là d'une crise d'adolescence complètement banale. Elle décide cependant de punir Rémi de son insolence en le privant d'écouter pendant une semaine entière les chroniques de Bernard Guetta. Et si Monique parle de cet incident à Jean-Claude, ce n'est que pour illustrer les changements hormonaux qu'elle a pu constater chez ses mômes. Sauf que voilà, Jean-Claude appréhende d'une manière tout autre les modifications de comportement chez ses adolescents. Tiens, par exemple, Jean-Claude a constaté ces derniers temps que sa fille Elsa est beaucoup plus pudique et il expose ses interrogations à Monique. Ma chérie, voilà, je voulais te parler d'un petit quelque chose. Est-ce que par hasard tu aurais vu cette brochure ? Non. Est-ce que votre enfant se drogue ? 10 signes révélateurs. Oui, non, peut-être, quelquefois, environ 3 fois par semaine. Pas si elle trouve moyen d'échapper. Peut-être qu'à notre insu, elle prend de la Marie-Jo dans la salle de jeu. C'est Marie-Jeanne, et nous n'avons pas de salle de jeu chez nous. Effectivement, Monique et Jean-Claude n'ont pas de salle de jeu. Mais peu importe, se dit Jean-Claude, il faut surveiller de très près les adolescents. Car avec tout ce qu'on entend à la télé et ce que l'on voit à la radio, d'après Jean-Claude, il est certain que sombrer dans la drogue est devenu une fatalité. Monique, de son côté, est beaucoup plus nuancée. Et d'après elle, une simple conversation suffit pour régler les conflits. Monique se rend donc dans la chambre de Rémi. Je peux entrer ? Oui, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ce sourire, Béa ? C'est une vanne que j'ai entendue. Oh, de quoi ça parlait ? Oh, c'est une histoire cochonne, maman. Charmant. Je voulais savoir si tu avais au moins pris le temps de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous t'avons puni. Ouais, ouais, là, j'ai compris à quel point mes actes ont affecté tout ce qui m'entoure. Vraiment ? Ouais. Quelle est cette odeur bizarre ? Tu fumes de la marijuana ? Non, bien sûr que non. Tu es sous l'emprise de la drogue ! Non, non, maman. Tais-toi, tu vas me faire le plaisir d'uriner là-dedans. Monique fonce alors voir Jean-Claude pour lui faire constater que l'urine de Rémi est plus parfumée qu'une verveine menthe. Effaré par ce qu'il vient d'apprendre, Jean-Claude, à son tour, se rend auprès de son fiston pour discuter. Quand papa a mis la petite graine dans le ventre de maman, il y a un peu plus de 16 ans, il ne pensait pas qu'un jour la petite graine chausserait du 45. Bon, qu'est-ce que c'est que ces cigarettes qu'elle a trouvées sous ton matelas ? Tu fumes dorénavant ? Qui t'a donné la permission ? Que maman en a fumé la moitié d'une et on l'a retrouvée toute nue dans la rue en train de rire bêtement avec les pigeons. Rémi ne semble pas se rendre compte de la gravité de la situation. Oui, bon, il a fumé un joint et comme toute substance pouvant conduire à l'accoutumance, c'est dangereux. Et dans ce cas précis, illégal. Mais Jean-Claude veut absolument que Rémi prenne conscience du péril de sa situation. La pente est dangereuse et Jean-Claude ne veut pas laisser traîner son fils car il ne veut pas qu'il glisse. Alors il prend un ton approprié pour faire piger à son fiston qu'on commence par un joint et qu'on ne sait pas où ça se termine. Yeah. Cocaïne dans le jean, Samy rejoint quelques clients à Porte Dauphine. Mademoiselle devient folle avec ses amis intimes. Un gars ou une seringue et bim, et bim. Mais elle a mis plus de jus dans une orange sanguine. Elle a fini en drame cette soirée entre copines. Il est 6h du mat quand les keufs font gring. Il vendait de la dope mais il comparait pour crime. Il a pris 20 piges, piges, piges. Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Il a pris 20 piges, piges, piges. Ça m'a pris du ferme, ferme, ferme. Yeah. Voilà. Jean-Claude espère que la leçon portera ses fruits. Pourtant, les adolescents de la famille ont conservé cette semaine un comportement étrange. Elsa, par exemple, a gardé constamment la porte de sa chambre fermée avec un écriteau accroché sur la poignée où elle avait inscrit au stabilo rose avec des ronds sur les i. Ici, c'est chez WAM, on ne rentre pas. Et cela a beaucoup déplu à Monique. Allez, ouvrez cette porte maintenant. Quoi, maman ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est pas comme ça que je t'ai élevée. Je veux que tu sois correcte avec moi. Et moi, je veux que toi et ton abruti de mec, vous sortiez de ma putain de vie. Putain, j'en ai marre, qu'est-ce qu'il fout ici ? Est-ce que tu as bu ? Mais non, bien sûr qu'elle a bu, parce qu'elle est toujours pétée en ce moment. Dis que c'est pas vrai. Tu bois jamais, va toi ? Hé, hé, hé, doucement, là. Arrêtez ! Tu me fais chier ! Oh ! Arrêtez ! Hey, oh. Ça suffit ! Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête. Maman, ne me touche pas ! Ne touche pas à mes cheveux ! Ne touche pas à mes cheveux ? Monique et Jean-Claude sont interloqués. Quel message veut leur faire passer Elsa ? C'est à ce moment-là que Rémi est intervenu. Si les jeunes ont envie de se retourner la tête, c'est à cause de cette société qui leur impose des codes dont la seule origine est la publicité et dont les seules valeurs sont le fric et l'apparence. Oui, Rémi hurle toute sa rage d'adolescent. Uniformiser nos éducations, toujours entre le plaid et le pognon. Les mômes ne rêvent plus de marcher sur les lunes. Ils rêvent de savoir comment se faire de la thune. Il y a une époque, les filles avaient le poing levé. Aujourd'hui, c'est plutôt culotte baissée. Quand je serai grande, moi, je serai poupée gonflable. Pour des millions à se branler sur mon âme, sur la toile. Il y a une époque, on rêvait d'autre chose. Autre chose que des dieux, des communautés. Aujourd'hui c'est tous différents dans la même merde. Aujourd'hui c'est chacun sa gueule et je t'emmerde. Y'a une époque on avait feu des idées. Y'a une époque on osait liberté. Aujourd'hui on n'ose plus que sauver son cul en marchant sur celui d'à côté. Aujourd'hui, on n'ose plus que sauver son cul en marchant sur celui d'à côté. C'est sur ce cri sibyllin de Rémi que Monique et Jean-Claude décident de laisser leur môme un peu plus tranquille afin qu'ils construisent eux-mêmes leur chemin pour traverser l'adolescence. Mais, tu t'en doutes, Jean-Claude n'est pas du genre à baisser les bras. Alors, hier soir, quand la nuit était déjà bien tombée sur la maisonnée, ben, ça a sonné. On peut savoir où tu vas ? Aux toilettes. Tu vas aux toilettes avec tes chaussures à la main ? Il y a des gens qui lisent les journaux quand ils vont aux toilettes. Moi, je prends... Arrête. Tu vois cette porte ? Nouvelle technologie. La même que celle utilisée dans les musées. Musée ? Tu approches de cette porte, le laser détecte que tu es en train de faire le mur, et l'alarme se déclenche. Et tu es puni. Mais je voulais pas sortir, hein. Je voulais juste aller aux toilettes. Et tiens, intéresse qu'elle s'enclenche plus jamais. Jamais ! C'est compris ? Oui. Oui, qui ? Oui, papa. Bon, tu vas te coucher maintenant, mon amour ? Allez, à demain. Bonne nuit. Viens te coucher, toi aussi. Mais pourquoi tu me dis pas mon amour à moi ? Allez, viens. Bien, après avoir constaté combien Jean-Claude, avec sa porte au rayon laser, recycle aussitôt les actualités de notre Bernard l'Ermite, il est temps dès à présent à 11h42, toujours en direct du Mangin Palace, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, l'expression qui compte triple est une fausse note, à savoir le couac. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'après une décennie de souvenirs fabuleux et de succès incroyables, depuis 2 ans, l'équipe de France de football est empêtrée dans un fatras de couacs. Et franchement, même si le ballon rond t'indiffère, tu n'as pu passer à côté de ce nouveau fait d'armes mardi dernier de notre joyeux sélectionneur national, Raymond Domenech. La France entière trépignait à 20h avant de découvrir cette fichue liste réglementaire des 23. Résultat, on a 30 joueurs sur les bras et on attendait presque que Raymond nous dise qu'en Afrique du Sud, on allait jouer à 13. Du coup, le mot « couac » fait ici son apparition ce matin, dont une définition en forme de tacle nous est offerte par notre ami Franck Anézé, créateur et patron du subtil mensuel SoFoot. Ainsi, en compagnie de cet amoureux de la balle au pied, découvrons, juste après la virgule, l'ampleur du « couac » chez les Bleus. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X, ce qui donne le mot « tic-tic-tic-tic-tic ». Pas l'animal aquatique nocturne. Oui, oui. 3 voyelles, 2 consonnes, couac. Alors le couac est en musique un son discordant ou une fausse note. Il joue de la trompette. Est-ce que Raymond Domenech communique en couac ? C'est une bonne question. A priori non, il communiquerait plutôt en soliste, puisque l'idée du couac est qu'il y ait une fausse note par rapport à quelque chose, donc par rapport à une musique générale. Or, Domenech, dans sa musicalité à lui, il n'y a pas vraiment de couac, ou alors ce ne sont que des couacs. Le fait est qu'en fait, il communique tout seul. C'est-à-dire qu'il n'en a rien à faire de ses supérieurs, il se fout un peu du monde. Les gens qu'il a en face de lui, il les méprise. Donc il décide un jour de changer la date de l'annonce de la sélection, un autre de passer de 23 à 30, peu importe, il fait un peu comme ça lui chante. Alors à l'annonce de cette sélection, les réactions ont été nombreuses. On voit ici celles des sélectionneurs de l'Afrique du Sud, de l'Uruguay et du Mexique qui sont dans le groupe de l'équipe de France. Défenseur, Odile Rami, Marc Planus. Ouais ! Sébastien Schillaci, Anthony Réveillère. Ouais ! Milieu, Yann Mvila. Ouais ! Merci ! Vive Domenech ! Ce qui est très drôle avec Raymond Domenech, c'est que généralement quand il sort une connerie... Au lieu d'en tirer les leçons, il en remet une couche derrière. C'est-à-dire que qui demande sa femme en mariage à la fin de la défaite à l'Euro 2008, bon, c'était déjà pathétique et on a tous pensé la même chose. Mais il remet ça finalement quelque part cette année, puisque la date de l'annonce de la sélection, c'était prévu le 2 mai. un dimanche, et il a finalement décidé de la changer au 11 mai, un mardi. Alors on se dit pourquoi, alors on cherche des raisons, puis on regarde, et je crois que le 11 mai, c'est la Sainte-Estelle. T'inquiète pas, là j'ai fait une liste de 23, tu vas être content. Ah, génial, on peut la voir ? Bah, bien sûr. Christian Jean-Pierre, Larquet, Sacomano, mais qu'est-ce que c'est que cette liste ? C'est la liste des journalistes que je peux pas blairer et à qui je parlerai pas en Afrique du Sud. Dès que les médias généralistes parlent de l'équipe de France, c'est soit pour parler d'une histoire d'escort girl, soit pour parler des frasques de Raymond Domenech. On parle pas tellement de sport en fait. Alors effectivement, l'équipe de France en ce moment est plus sujet à... à polémique qu'autre chose. Il y a eu cette très belle histoire de Zaya, qui surtout est révélatrice d'une chose, c'est la, quelque part la misère sexuelle dans laquelle est tombé le haut du panier du football français, parce que finalement, ce qui est assez paradoxal, mais finalement assez drôle aussi, c'est que c'est les mecs les plus riches dans le foot qui se tapent tous la même nana. Sur les absences, vous avez été surpris par celle de Benzema ? Ah non, c'est normal, il a l'habitude. Comme pour Zaya, la call girl. Benzema, il passe après Govou et Ribéry, puis c'est tout. Mais ce qui est vraiment glauque et qui est très welbeckien, c'est que ces mêmes mecs payent tous assez cher, parce que 2000 euros la passe, c'est quand même hyper cher, pour la même fille. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la présence d'esprit de se dire, quand même, je vais peut-être une autre, quand même. Non, à 2000 euros, normalement, t'as le choix, quoi. Enfin, t'as un choix élargi. Le catalogue est assez fourni, ben non. Donc, l'équipe de France, ça se résume en ce moment à ça, à des pauvres types qui se tapent tous la même nana en payant, et puis Raymond Domenech et ses déclarations d'amour récurrentes à Estelle, toutes plus pathétiques les unes que les autres. Quoi. Et finalement, c'est que de l'amour tout ça. Finalement, c'est ça, c'est une équipe qui est finalement dans l'amour, qui c'est une équipe mythique. Au sens internet du terme. Bah là, je sais pas quoi dire. Ah, moi, je sais ce que tu vas dire. Si je me fais sortir au premier tour, tu diras, c'est normal, c'était un tocard. Et si je gagne la Coupe du Monde, bah tu feras comme tous les bouseux. Tu te peindras en bleu, blanc, rouge et tu descendras les Champs-Élysées en faisant bande de cons. Alors, quant à moi, je prends mes 3 T et mes 3 X. Ce qui donne le mot. Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, voyez-vous, Raymond, ici, au Manchin Palace, une bonne partie de l'équipe apprécie le football, et ce depuis longtemps, à tel point que nous vous souhaitons d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde sur le continent africain. Néanmoins, faut arrêter de déconner. Le football n'est qu'un sport, et la mise en scène quasi dramatique mardi soir au journal de 20h sur TF1, c'était pathétique et grotesque. Mais bon, nous sommes sans doute de mauvais esprits. Raymond Domenech, bonsoir. Bonsoir. Oh, super. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours compliqué. Ouais, je vois ça. Parce que faire une liste, c'est choisir. Choisir, c'est forcément éliminer. On pourrait peut-être élaguer un peu. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas simple, mais... Avez-vous remarqué comme les choses vont vite ? On a travaillé pendant 2 jours. Oh, quel métier ! Pour trouver ce qui nous semblait être le mieux. Expliquez-moi d'abord comment se présentent les choses. On a annoncé 23. Je vais décevoir beaucoup de monde. Oh mon Dieu ! Parce que je vais vous donner une liste de 30 joueurs. Oh, c'est tout ? C'était un chat, c'était un chat, c'était un chat, un pacha, plein d'argent, chat persan, si puissant, que dansons, que dansons, que dansons, son harem, toutes les femmes lui disaient, chat, chat, chat, comme on t'aime, mais malgré ses mimi, ses milliards, le pacha, chat, chat, chat, avait bien le cafard, des pépés, des pépés, des pétroles, il était saturé, car son rêve, c'était de voir pousser le gazon devant son papa, son palais en toute saison. Mais chaque fois qu'il creux, qu'il creusait des trous-trous pour trous-trous, pour trous-trous, là il tout pour trouver un fifi, filet d'eau, du pépé, du pétrole jaillissait aussitôt. Et les sous-sous, les sourciers, les sorciers voulaient tous des mimi, sillonner. Et le pa, le papa, le pacha, cha cha cha, languissait. Car son rêve, c'était de voir pousser le gaz devant son papa, son palais en toute saison. On signala à deux pas une rivière d'eau claire. Le pacha y courut sur le champ, mais revint fort déçu, n'ayant vu qu'une rivière de diamants. Alors tout compte fait, il s'installa chez nous, car chez nous, pour ce qui est du gaga, du gazon, on serait plutôt gaga, trop gratté. Le Pacha, c'était celui de Jean Constantin en 1956, quand 12 ans plus tard, en 1968 donc, l'esprit perçant de Georges Lautner nous en offrait un autre génial. Alors j'ai pris une décision. Je vais organiser la Saint-Barthélemy du mi-temps. Et tu comptes sur moi pour te couvrir? Non, je compte sur personne. Puis tu sais, je m'en fous. Hein. Dans 6 mois, je décroche. Je sais que vous avez préparé les allocutions et commandé les petits fours, alors qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? D'être privé de gâteau? Et après? À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel? Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Eh bien Philippe, la presse souligne cette semaine combien il est important pour les scientifiques et les chercheurs de se poser les vraies questions pour résoudre les vrais problèmes. Les mystères de la science et de la nature sont insondables. C'est ce que nous rappelait l'agence France-Presse mardi dernier. Une baleine grise a été aperçue au large des côtes israéliennes. Un bon gros mâle de 12 mètres pesant 20 tonnes qui barbote en ce moment dans la Méditerranée, alors que cette bestiole zone habituellement dans le Pacifique Nord. Ah. Eh oui, les scientifiques se posent des tas de questions car aucune baleine grise n'a été vue hors de son océan d'origine depuis le 18e siècle et encore c'était dans l'océan Atlantique. Alors, il s'agit donc d'un repérage de baleines baladeuses en Méditerranée à peine pensable. Ce qui a évidemment rendu jaloux les Scandinaves, mine de rien toujours un peu crâneurs avec leurs grandes femmes blondes et leur super système social là. Donc mardi dernier, un hareng de 3 mètres a été retrouvé sur la côte ouest de la Suède. Ouais, t'as vu ma grande femme blonde et mon hareng géant, voilà. Il s'agit en fait d'un régalec, un poiscaille qui n'avait pas été aperçu dans les eaux suédoises depuis 1879. D'ailleurs, cet animal qui vit habituellement en eau profonde serait à l'origine de la légende des serpents de mer. Eh, Philippe, hein, c'est étrange. C'est très étrange. Ces mammifères marins et ces poissons qui réapparaissent comme ça d'un coup, des mystères sur lesquels les scientifiques se cassent la tête. Et d'ailleurs, ce mois-ci, la recherche nous offre un numéro spécial anniversaire. Ce mensuel a paru pour la première fois le 12 mai 1970. Et à cette occasion, il nous propose un panorama des avancées scientifiques de ces 40 dernières années. Par exemple, la recherche nous rappelle qu'il a fallu plus d'un siècle pour prouver ce qu'avait énoncé en 1852 le mathématicien anglais Augustus de Morgan. Il suffit de 4 couleurs, pas plus, pour colorier n'importe quelle carte de géographie en faisant en sorte que 2 pays ayant une frontière commune ne soient jamais coloriés de la même couleur. C'est le problème que je ne supporte pas. Ah ouais, ça vous cloue le bec, ça. Ah, ça m'énerve, ça. Ben, voyez, Philippe, il ne faut pas désespérer. Les problèmes les plus compliqués sont résolus. Il suffit d'avoir de la patience et puis des chercheurs perspicaces. Et d'ailleurs, à ce propos, Philippe, quittons quelques instants la presse, car nous avons reçu cette semaine, dans la boîte aux lettres du Mangin Palace, un bien étrange courrier. Ah oui. Il s'agit d'un authentique sujet d'examen, celui de l'épreuve finale de droit de la famille, pour la 3e année de la licence de droit de la très honorable université de Caen. L'auteur de ce sujet d'examen est Loïc Frossard, allocataire moniteur et doctorant en droit, avec une thèse sur la prise en compte du sentiment en droit privé, voilà, sous la direction du professeur Mathias Audit, du très sérieux donc, mais avec beaucoup de sentiment. L'épreuve s'est déroulée le 10 mai, lundi dernier donc, un écrit de 3 heures, dont je vous lis le début de l'énoncé. Je vous rappelle que c'est pour l'obtention de la licence de droit. Et c'est authentique. Et c'est vrai. Grand 1. Monique a donné naissance à Rémi, dans la bonne ville de Grosboul-les-Bains. France. Enfin, Jean-Claude est un papa très attentionné. C'est toujours lui qui a accompagné Elsa et Rémi à l'école, qui les a soignés quand ils étaient malades. Voilà. C'est du bonheur. Ah, merci beaucoup. On était très flattés, en tout cas. Ah, vraiment. Bon, alors, je vous passe le reste du sujet parce que c'est du droit. Donc, ça vire un peu au drame, des histoires de divorce d'Elsa en pleine crise. Elle souhaite intégrer un mouvement pseudo-religieux dénommé le ministère psychique qui se propose d'œuvrer, avec la bénédiction de Skippy, le grand gourou, pour la paix dans le monde et l'amitié entre les peuples. Voilà. Et il semble que Rémi a eu un enfant aussi. Il y a une Flora qui apparaît au milieu de tout ça. Alors là, vous trancherez ces différents problèmes au regard du droit de la famille en utilisant les textes actuellement applicables, etc. Donc, c'est merveilleux. Hein, c'est... Ah oui. Ah non, mais vraiment, on est très, très, très contents. C'est ça la magie de l'université. Hein. Voilà. C'est vrai, hein. Elle est vivante. Et quand le fond est solide, ben, on peut s'amuser avec la forme. Et nous, à La Panique, on aime bien cette idée de rendre le savoir un peu plus pop. Car on le sait, hein, Philippe, trop de sérieux et d'austérité dissimulent souvent un fond un peu fragile, parfois même une volonté de confiscation des savoirs et souvent de l'hypocrisie. Et d'ailleurs, en parlant d'hypocrisie, je ne peux esquiver l'affaire sociétale du moment, les apéros géants. À Nantes, il y a eu quelques milliers de fêtards et un jeune homme de 21 ans est décédé. C'est insupportable. Il est interdit de mourir à cet âge. Bon, disons-le, hein, à La Panique, on aime bien boire un verre de temps en temps avec les potes et les potesses. Mais la beuverie, c'est pas notre truc. Hein, c'est le loupen prolétariat des plaisirs alcoolisés. Bon, les réseaux sociaux sur Internet... On n'a rien contre, Philippe. Mais on n'est pas forcément super fan non plus. On en a cure surtout. En revanche, la levée d'armes de toutes parts contre ces apéros géants est insupportable et le prétexte est immonde. Le jeune homme est tombé d'une rambarde en faisant la fête au lieu de se tuer au travail. Et le parti de l'ordre est choqué. Il veut interdire la fête et pas les rambardes. Alors pourtant, les accidents de chasse sont pléthores et cet art, ou ce carnage, hein, ça dépend des goûts, n'est pas interdit. Et quand le président Félix Faure est mort entre les bras de Madame Steinel, personne n'a songé à interdire la fellation. Alors pourquoi autant d'indignation autour des apéros géants? Eh bien Philippe, j'avance une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. La crainte terrible des tenants de l'ordre n'est pas tant cet accident, mais bien le regroupement populaire qui fait peur. La beuverie peut devenir bien vite une nouvelle campagne des banquets, comme en 1847, quand les républicains contestaient le pouvoir royal. Il suffit seulement de remplacer l'alcool par la conscience politique. Merci beaucoup, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 205e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri-Marc Mutel, qui porte un sweat à capuche aujourd'hui. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Lidwin Caron et de Nicolas Lapert. Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi bien sûr pour les clips sonores à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Elsa Denac. Pour les scuds, merci à Thierry Dupin, merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires et à Alice Robinet, notre nouvelle stagiaire, ainsi qu'au documentaliste de Lina. Et puis, juste avant de vous quitter, une ultime info. Sachez, chers amis, qu'après Marseille, nous serons en direct d'Annecy, le dimanche 6 juin de 11h à midi. C'est dans 3 semaines, à l'occasion du 50e festival du film d'animation. Et nous vous attendons très nombreux pour cette nouvelle délocalisation du Mangin Palace. Nous sommes très heureux de venir à nouveau à votre rencontre. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et son crumble. Allez, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve le week-end prochain, samedi et dimanche, bien sûr. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.